إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui c'est le cours numéro 10 dans les durous de Kashf al-Shubuhat. Et la semaine passée, on avait commencé à expliquer la réponse à la Shubha des mushrikins lorsqu'ils disent le secret de, c'est-à-dire le secret dans la réponse aux mushrikins lorsqu'ils disent par exemple, moi je fais pas de shirk, je fais pas de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu lui réponds, wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh, donc tu lui réponds en lui disant, qu'est-ce que c'est le shirk? Hein, explique-moi ce que c'est le shirk. Et s'il te dit c'est d'adorer les idoles, tu lui dis explique-moi c'est quoi d'adorer les idoles. Hein, et donc, s'il dit moi j'adore uniquement Allah subhanahu wa ta'ala seul, tu lui demandes c'est quoi la signification d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, explique-moi. Hein, et tu lui demandes d'expliquer selon le Coran et la Sunna. D'accord. S'il ne le sait pas, là tu lui expliques. Et tu lui dis, s'il dit je sais pas, tu lui dis, comment tu peux prétendre quelque chose, tu prétends que tu fais pas de shirk, et tu sais même pas ce que le shirk. Donc comment tu peux savoir que tu fais pas le shirk si tu sais pas ce que c'est le shirk? Hein? Donc il faut savoir ce que c'est le shirk. Et donc là tu lui expliques, et tu lui clarifies avec les preuves, les ayats, les hadiths, pour lui montrer qu'est-ce que c'est la définition du shirk, selon le Coran et la Sunna. Et là on a expliqué ça la semaine passée. Maintenant, on clarifie ça encore plus en détail, inshallah. Le Cheikh dit, وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Donc, il dit, le Cheikh il dit que la signification du shirk, c'est d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer les idoles, comme les mushrikins faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient qu'ils les adoraient uniquement pour que cela les rapproche un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le shaykh il dit maintenant, et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, sans partenaire, c'est ça ce que les mushrikins d'aujourd'hui nous critiquent. Yani, ils nous critiquent parce qu'on appelle les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et la même façon que les mushrikins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient dit, est-ce qu'il a fait de toutes ces divinités-là une seule divinité? Hein, de toutes les idoles, de toutes les choses qu'on adore en dehors d'Allah, il les a toutes annulées et il les a faites juste une seule? Hein, eh ben, il dit ça, il disait, ça c'est une chose étonnante. Hein, ça c'est le verset dans Surah Fad, le verset 5. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Donc il trouvait ça quelque chose que c'était étonnant, étrange. Hein. Après le Cheikh il dit, وَهَكَذَا يَذْكُرُ الشَّيْخ فِي زَمَانِهِ أَنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوَجُّهِ بِعِبَادَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وينهاهم عن الاعتقاد والغلو في من يسمونهم الصالحين فقد تنوعت معبوداتهم في ذلك الزمان، منهم من يعبد جذور النخل، ومنهم من يعبد أشجارا وأحجارا مثل ما كان يفعل الكفار المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. وبين القرآن شأنهم وأنهم مشركون شركا أكبر. وهكذا واجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أيام دعوته مثل ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وسمع من ألفاظ الشرك والحجج الباطلة مثل ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. نعم، مثل حجج أولئك المشركين، لأن الشرك ملة واحدة، وكل من أتى بعد أولئك المشركين وسلك طريقهم فقد ورث ذلك الميراث. Donc le cheikh il dit, voilà comment le cheikh a mentionné à son époque comment les gens se tournaient vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations. Hein? Le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il appelait les gens à se détourner de ça, à se détourner du shirk, et à revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, hein, et de ne pas lui donner aucun partenaire dans l'adoration. Et le cheikh, il interdisait aux gens de son époque de croire en ceux qu'ils appellent les salihin, de mettre leur croyance en eux, et d'exagérer à leur sujet, et de leur donner des formes d'adoration, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que les mushrikin à cette époque-là, leur shirk avait plusieurs manifestations et plusieurs différentes formes. Hein, les choses qu'ils adoraient étaient différentes. Certains d'entre eux, ils adoraient par exemple les troncs d'un arbre, mais un arbre coupé, hein, le tronc d'un arbre, ou bien les racines. Et il y en a d'autres qui adoraient quoi? Ils adoraient les arbres, les pierres, et toutes sortes de choses de ce genre. Et comme les gens faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme les gens faisaient également avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les mushrikines. Et donc, le Coran a clarifié et a expliqué la réalité à leur sujet, au sujet des mushrikines. Et il a clarifié que leur shirk, le shirk qu'ils faisaient, c'est un shirk majeur, qui fait quitter quelqu'un la religion. Et c'est de cette façon-là que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a appelé à son époque et a établi sa da'wah, et il a fait face à la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû affronter de la part du mushrikin à son époque. Également, il a entendu des paroles de shirk et des arguments des mushrikins, des faux arguments des mushrikins, la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu de la part des mushrikins de son époque, il y avait des faux arguments qu'il lui donnait à chaque fois. D'accord? Donc le cheikh il dit pourquoi c'était comme ça, pourquoi le shirk au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le shirk au temps du cheikh Muhammad ibn Wahhab et le shirk au temps du cheikh Mohammed ibn Wahhab et le shirk au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était toujours les mêmes arguments et les mêmes shubuhat et les mêmes paroles. Pourquoi? Parce que le shirk il dit لِأَنَّ الشِّرْكِ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ. Le shirk c'est une seule et même religion, même si elle peut se manifester de différentes formes et de différentes façons, même si elle peut avoir différents noms, hein, comme par exemple le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les autres religions d'égarement, on les appelle tous par des noms différents, mais en réalité c'est une seule et même religion, c'est la religion du kufr et du shirk. C'est pour ça les ulama ils disent Al-kufru millatun wahida wa shirk millatun wahida, c'est une seule et même religion qui se manifeste de différentes façons. C'est pourquoi, parce que la vérité elle est une, elle se divise pas, tandis que le mensonge il est multiple, il est infini dans sa manifestation, il peut prendre des milliers, des centaines de formes. Tandis que la vérité, elle reste toujours la même, elle change pas parce que c'est la vérité. Hein? Donc, ça, ça montre pourquoi quand on voit les gens parmi les koufars, des fois, quand on leur parle de religion, ils disent, ouais, mais il y a tellement de religions, comment on peut savoir quelle est vraie? Moi, je leur dis, il n'y a que deux religions. La vérité et le mensonge. La vérité, elle est une. Le mensonge, il a plein d'exemples, plein de manifestations. Et c'est ça qui mélange les gens. Pourtant, c'est clair, lorsque tu as compris les fondements et les bases, c'est facile par la suite de trouver la vérité. Hein, si tu as compris bien le tawhid, et qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un créateur dans l'univers, plus qu'un dieu dans l'univers, tu vas être capable de trouver c'est quoi le bon chemin, inshallah. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on expliquait? Parce que le kufr et le shirk, c'est une seule et même voie. Wa kullu man ata ba'da ulaika al-mushrikin wa salaka tariqahum faqad waratha dhalik. Donc, toute personne qui vient après les mushrikin et qui suit la voie des mushrikin, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a hérité de leur héritage. Il a hérité de l'héritage de ces mushrikin-là. Même s'il dit qu'il est musulman, puis qu'il fait les mêmes actes que les mushrikins, et il dit les mêmes paroles que les mushrikins. Même s'il se dit musulman, ça ne veut rien dire. Tant qu'il n'a pas abandonné le shirk. Hein? Donc le shirk ici il dit ensuite, وَهُوَ نَفْسُ الْأُسْلُوبِ وَنَفْسُ الْجَوَابِ الَّذِي يَعْتَرِدُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ في كل زمان وفي كل مكان ففي عهد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يقولون له ولمن معه أنتم تبغضون الصالحين وتبغضون النبي صلى الله عليه وسلم وتبغضون كل عبد صالح لأنكم لا تقدرونهم حق تقديرهم وما هو قدرهم يا ترى عند هؤلاء المشركين هو الطواف بأضرحتهم والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم هذا هو تقدير الصالحين عند المشركين أما تقدير الصالحين عند العلماء الموحدين فهو محبة كل عبد صالح محبة شرعية والعمل مثل أعمالهم الصالحة بدون غلو لأن الغلو هو الذي أهلك من كان قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منه إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني في الدين وهذا هو الغلو في الصالحين. الشيخ سيئلزي Les mushrikins, ils ont adopté la même méthode et les mêmes réponses par lesquelles les mushrikins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam essayaient de s'opposer à la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc leurs réponses et leurs arguments, c'est toujours les mêmes à toutes les époques et à tous les endroits. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans une ayah dans surat al-Baqarah, il dit « Kazalika qalazi » كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم hein? La même chose que les autres avant eux avaient dit la même chose. Leur cœur se ressemble. تشابهت قلوبهم. Leur cœur est pareil, même s'ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont même pas à la même époque, même pas au même endroit sur la terre. Toutefois, quand ils parlent, ils sortent les mêmes arguments que les mushrikines des autres époques. Qui sont venus auparavant. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui est pareil. C'est le fait qu'ils sont sur la même religion, la même batil. Hein, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça veut dire, subhanallah, même s'ils sont, ils se connaissent même pas, ils se sont jamais rencontrés, ils sont à des endroits différents, à des époques différentes, hein, ils ne se sont pas fait une grande réunion, internationale, hein, pour dire, quand les croyants vont nous parler, on va leur répondre cette réponse-là ensemble. Hein, il n'a pas. Attawa Saoubé, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils se sont tous mis d'accord là-dessus comme s'ils ont fait une convention? Ça y est, on est tous d'accord sur ça. Ah ben c'est ça. C'est comme si on disait qu'ils avaient fait ça quand on les entend parler. Ça c'est au temps du prophète sallam, comme Allah sallam, il dit à propos des mouchriquins, par exemple quand ils avaient un malheur ou quand ils étaient dans la mer, دعوا الله مخلصين وإذا راكبوا في في في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc ça veut dire quand ils étaient quand ils avaient une détresse, quand ils étaient dans la mer, ils adoraient Allah seul parce que là ils savaient que personne ne peut les aider, c'était Allah. Mais quand ils étaient en sécurité sur la terre, sur la terre ferme, là, ils retournaient à qu'est-ce qu'ils adoraient avant. Donc ça, c'est un exemple. Mais, comme on disait ici, ils sortent les mêmes arguments. Après, le cheikh, il dit, à l'époque du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, à l'époque du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, les gens disaient à lui et à ceux qui étaient avec lui, Vous n'aimez pas les salihins, vous n'aimez pas les hommes pieux, les gens qui sont des hommes, les grands hommes religieux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont fait beaucoup de bien pour l'islam. Vous les aimez pas, ils disent ça. Et vous n'aimez pas les salihins, hein, vous les détestez. Vous détestez les salihins. Et vous détestez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça ce qu'ils disent. Pourquoi? Quand on leur demande pourquoi vous dites ça, pourquoi vous dites qu'on déteste les salihin, les hommes pieux, pourquoi vous dites qu'on déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent parce que vous ne les respectez pas comme ils méritent. Et le cheikh il pose la question maintenant, qu'est-ce que c'est pour vous les respecter de la façon qu'ils méritent? Qu'est-ce que ça signifie les respecter comme vous dites? Mais le cheikh il répond lui-même, il dit, je vais vous dire qu'est-ce que c'est pour vous le respect dont vous parlez. Le respect dont vous parlez, c'est en réalité de faire le tawaf autour de leur tombe et de faire des vœux pour eux et de les appeler au secours lorsque vous avez une détresse. Hein? Ça, c'est pour vous, c'est ça les respecter. Hein? Comme j'avais donné l'exemple l'autre fois. Il dit, nous, on n'adore pas les statues. Les chrétiens, ils disaient ça. On n'adore pas les statues et les images et les croix, on les respecte. Hein? Donc ils prennent le shirk et lui donnent un autre nom. Au lieu de l'appeler shirk, au lieu de l'appeler ibadat al-tawahid, ils l'appellent comment? Ils l'appellent respect. Alors qu'en réalité c'est ça ce qu'ils veulent. Donc le shirk il dit, donc c'est ça votre respect pour vous? Ça c'est en réalité c'est le shirk. Mais le vrai respect des hommes pieux, et le vrai respect du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez les ulama qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de les aimer. D'aimer tous les hommes qui sont pieux, mais d'un amour qui est en accord avec les limites de la charia. Sans extrémisme, sans dépasser les limites. Et c'est d'agir en accord avec les actions qu'ils ont amenées, les bonnes œuvres qu'ils ont faites, de les suivre dans le bien. C'est ça les aimer et les respecter. Sans exagérer à leur sujet, sans rentrer dans des croyances exagérées à leur sujet. Parce que c'est l'extrémisme et l'exagération, le rouleau, c'est ça ce qui a fait périr toutes les nations qui sont venues avant nous. Toutes les nations qui étaient là avant nous, ils ont péri à cause de l'extrémisme dans la religion, à cause de l'exagération dans la religion. Il y a comme le rouleau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith authentique. Il a dit, prenez garde à l'extrémisme, prenez garde à le rouleau, de dépasser les limites, hein, d'exagérer, parce que c'est ça qui a fait périr les nations qui étaient là avant vous. Innama ahlaka man kana qablakum al-rouleau. Et le cheikh dit, c'est al-rouleau, l'exagération dans la religion. Et c'est l'exagération au sujet des hommes pieux. Les gens, des fois, ils s'imaginent que l'extrémisme, ça se limite juste à des formes d'extrémisme qui se manifestent actuellement dans le monde moderne avec les gens qui font du terrorisme ou qui font sauter des gens et des bombes et des trucs comme ça. Ça, c'est une forme d'extrémisme. Ok? C'est une forme d'extrémisme qui est basée sur d'autres formes d'extrémisme dans la croyance. Ok, comme la croyance des Khawarij. Mais là, il y a l'extrémisme aussi dans la croyance au sujet des hommes pieux. Comme l'extrémisme au sujet d'Isa, alayhi salam, ceux qui exagèrent auprès de, au point de dire qu'il est Ibnullah, fils de Dieu, ou bien d'exagérer au point de lui offrir des adorations ou des prières, ou bien d'exagérer à propos de sa mère, Maryam, hein, alayhi salam, alayhi salam. Ou bien d'exagérer à propos d'un parmi les hommes pieux, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'autres parmi les salihin qui sont venus après lui, hein, parmi les musulmans de la Ummah. Donc, toute personne qui exagère au sujet de ces hommes-là, eh bien, il a dépassé la limite. Et ça, ça fait partie de l'extrémisme. Il y a des gens qui ne comprennent pas que l'extrémisme, c'est beaucoup plus vaste que la définition qu'on en donne dans les médias actuellement. Hein. L'extrémisme, ça veut dire quoi, l'extrémisme dans l'islam? Ça veut dire quand tu dépasses la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, la limite du Coran et la limite de la Sunna. Tu veux faire plus que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de faire. Ou bien tu ne veux pas faire assez, tu veux faire moins que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a commandé de faire. Dans les deux sens, il y a l'extrémisme. Ce n'est pas un extrémisme juste quand tu fais trop, mais c'est un extrémisme aussi quand tu enlèves des choses dans la religion, qui sont des principes de la religion. Ça aussi, c'est une autre forme d'extrémisme, parce que l'extrême, c'est toujours aux deux côtés. Hein? Il y a l'extrême de ceux qui ajoutent trop, il y a l'extrême de ceux qui enlèvent trop. Non, on dit à l'ifrat ou à l'tafrit. Hein? Non, à l'ghulou ou à l'jafa. Hein? Mais en français, c'est une façon de l'expliquer qui est claire, inch'Allah, j'espère. Parce que les gens ont tendance à prendre juste un aspect de l'extrémisme, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus vaste. Après, le cheikh il dit فَإِنْ قَالَ إِنَّهُمْ لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. Donc le cheikh Izzi, Mohamed Abdul Wahab, il dit si ils te disent les mouchriquins, eux ils ont fait le shirk ou ils ont fait le kufr, les mouchriquins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que les anges et les prophètes, les mouchriquins, ils disent, eux ils n'ont pas fait le kufr parce qu'ils ont imploré ou invoqué les anges et les prophètes, ils ont uniquement mécru parce qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Et nous, on n'a pas dit que Abdul Qadir al-Jilani, par exemple, est le fils d'Allah, ou autre parmi les serviteurs d'Allah. Donc, on n'est pas des kuffars, nous. C'est seulement eux, les mouchriquins, au temps du prophète, qui sont des kuffars. Non pas parce qu'ils invoquaient les hommes pieux, ou les prophètes, ou les anges. Ça, c'est pour eux, ça, c'est pas shirk. C'est pas le coffre. Ils ont fait le coffre parce qu'ils ont dit que c'est les filles d'Allah. Et ils ont fait le coffre parce qu'ils ont dit que c'était les fils d'Allah. Hein? Comme les chrétiens qui disent que Isa, c'est les fils d'Allah, etc. Et donc, le cheikh, il dit la réponse à ça, c'est que d'attribuer un fils à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est coffre, et de l'invoquer, c'est un autre coffre. Séparé. Les deux sont coffres. Les deux sont shirk. Par exemple, dire ils sont pas kuffars parce que ils ont pas dit que c'est des fils d'Allah ou des filles d'Allah. Ça c'est un kuffre, et l'autre aussi c'est kuffre, les deux sont kuffres. Et là le chef il explique ça maintenant, avec les preuves de ça. Mais même Allah, subhanahu azza wa jal, qaili بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقوله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل الآية فذمهم الله على فعلهم القبيح قول وقولهم المنكر. Il dit le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui ont dit cette parole. Par exemple, qui ont dit que Isa est le fils d'Allah, ou bien Uzair est le fils d'Allah, des choses de ce genre. Il donne l'exemple, le verset 72 dans Sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit certes ils ont mécru ceux qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Masih, fils de Marie. Il donne un autre verset, le verset 30 dans Sourate Al-Tawbah, les Juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit Al-Masih ibn Allah. Ils ont dit le Messie, c'est le fils d'Allah. Et voilà leur parole avec leur bouche. Ils imitent la parole des gens qui ont mécru avant eux. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés à cause de leur mauvaise action et leur mauvaise parole. Hein? À cause des choses qu'ils ont dit qui sont contraires à la vérité. Le Cheikh dit, إذن نسبة الولد إلى الله التي اقترفها اليهود والنصارى وكفار العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله كفر مستقل والغلو في الصالحين سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو عبادا صالحين أو صورا على صورهم هذا أيضا كفر مستقل وشرك أكبر يخرج من الملة من وقع فيه وهو يدعي الإسلام وجمهور أهل العلم لا يرون لأحد عذرا في جهل الشرك لما؟ لأن الله جل وعلا خلق العباد ليعرفوه ويعبدوه ويوحدوه ولا يشرك به شيئا فما الذي صرفهم عن الأمر الذي خلقهم الله عز وجل من أجله ليعرفوا ويعملوا به وفي مقدمة ذلك توحيد الله وعدم الإشراك به. Donc le Cheikh dit donc d'attribuer un fils ou un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala comme l'ont fait les Juifs, les chrétiens et les kuffars parmi les Arabes lorsqu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah, ça c'est un kuffre indépendant, c'est-à-dire c'est un kuffre en lui-même, de même que d'exagérer au sujet des hommes pieux, que ce soit des anges ou des prophètes ou des hommes pieux parmi les serviteurs d'Allah, ou que ce soit des images ou des statues faites à leur image, eh bien ça c'est un autre kuffre également séparé, et c'est un shirk majeur qui fait quitter à quelqu'un la religion. Celui qui tombe dans ça, il a quitté l'islam, même s'il prétend appartenir à l'islam ou faire partie des musulmans. Le Cheikh il dit, et la majorité des ulama, ils disent que il n'y a pas d'excuse pour celui qui a ignoré que ces choses-là font partie du shirk. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui a ignoré le shirk. Pourquoi il n'y a pas d'excuse pour eux? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les hommes pour qu'ils sachent, pour savoir ça, pour qu'ils sachent que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être adoré, et pour qu'il l'adore lui seul, et pour qu'il l'unifie dans leur adoration, et pour qu'il n'associe rien avec lui. Donc, qu'est-ce qui les a détournés? Qu'est-ce qui a détourné les hommes de ce commandement pour lequel ils ont été créés? Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun » Allah il nous a créés pour ça, pour l'ibada. Donc, si c'est pour ce but-là qu'il nous a créés, on n'a pas d'excuse de l'ignorer. Hein? Le Cheikh il dit, donc qu'est-ce qui les a détournés de ce commandement-là pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, et c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés pour qu'on connaisse cette chose-là, le tawhid, et pour qu'on agisse en accord avec le tawhid, et en partant et en avant de tout, hein, le Cheikh dit, comme introduction, comme priorité à ça, de connaître le tawhid et de ne pas faire le shirk, ça c'est les premières choses pour lesquelles on a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le Cheikh il dit, لذا فإن كل من قامت عليه الحجة الرسالية فإنه لا يعذر بالجهل بتوحيد الله الذي خلقه الله من أجل تحقيقه والعمل بحقوقه ولوازمه. Donc le cheikh il dit que personne, une fois que la preuve a été établie contre lui, la preuve du message du Coran a été établie contre lui, il n'a plus d'excuse de prétendre ignorer le tawhid ou l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Allah l'a créé pour qu'il réalise et qu'il concrétise et pour qu'il établisse la réalité de cette ordre et de ce commandement-là du tawhid, et pour qu'il agisse en accord avec les droits qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer lui seul et tout ce qui est impliqué par le tawhid également dans la religion. Donc le cheikh dit وَحَقًّا إِنَّ التَّوْحِيدَ لَا يَتَحَقَّقْ إِلَّا إِذَا تَبَرَّأَ الْمُوَاحِدُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ إِذْ لَا وَلَا إِلَّا بِبَرَاءٍ. Donc le cheikh dit, et en réalité, quelqu'un ne peut pas avoir établi ou réalisé le tawhid en lui-même, excepté s'il ne s'est pas désavoué, si la personne qui a unifié Allah se désavoue complètement du shirk et de ceux qui pratiquent le shirk. Parce que tu ne peux pas avoir une alliance, tu ne peux pas, disons, être, disons, tu ne peux pas aimer, excepté si tu t'es, tu ne peux pas prétendre aimer Allah si tu ne t'es pas désavoué des mushrikins et du shirk. Hein, c'est une contradiction. D'accord? Tu peux pas aimer, dire j'aime Allah et j'aime le shaitan. Tu peux pas dire j'aime les alliés d'Allah et j'aime les alliés du shaitan en même temps. C'est une contradiction. Pour que tu aies un, il faut l'autre aussi. C'est-à-dire, tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que ton amour à Allah subhanahu wa ta'ala soit réel, il faut que tu détestes le shaitan. Et si tu prétends aimer les mu'minines, les croyants, il faut absolument également que tu détestes les alliés du shaitan. Tu ne peux pas aimer les deux en même temps. Donc ça, c'est ça le point. Donc toute personne qui fait le shirk, tu ne peux pas les aimer et prétendre aimer les gens qui sont sur le tawhid en même temps. C'est contradictoire. Et tu ne peux pas aimer le tawhid puis en même temps défendre le shirk. C'est contradictoire. Donc c'est un ou l'autre. Et le cheikh il dit وعلى هذا فإن أصحاب الغلو في الصالحين في أي زمن من الأزمان لا عذر لهم وقد جاءهم من بين لهم طريق التوحيد المستقيمة وأمرهم بسلوكها وبين لهم سبل الشرك المعوجة وحذرهم من الوقوع فيها كما فعل هذا الإمام المجدد مع قومه في عصره الذي فشى فيه الشرك واختفت معالم التوحيد وسميت الأشياء بغير اسمها سفها وجهلا. Donc le cheikh il dit, donc une fois qu'on a compris ça, les gens qui ont maintenant, une fois qu'on a compris ça, on voit que les gens qui sont sur l'exagération des hommes pieux dans leur adoration, ils tombent dans l'adoration des hommes pieux à cause de leur extrémisme, à cause de l'exagération qu'ils font à leur sujet. À toutes les époques, ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses pour qu'est-ce qu'ils font. Souvent, les gens ils disent « Ah, mais ils sont ignorants, ces gens-là qui font ça. Hein, ils sont ignorants. » Oui, c'est vrai, ils sont ignorants. Toutefois, ils n'ont pas lu le Coran. Hein? Donc, le cheikh il dit « La preuve du tawhid et l'explication du tawhid leur est parvenue. » Et l'ordre de le suivre leur est parvenu. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a clarifié les voies du shirk, qui sont des voies d'égarement et des voies qui sont déviées. Et il les a avertis de ne pas tomber là-dedans. Allah les a avertis de ne pas tomber dans le shirk. Comme le cheikh, l'imam al-Mujaddid, celui qui est venu réformer la religion, cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a fait avec son peuple à son époque. À son époque, il y avait du shirk qui était répandu partout, dans la péninsule arabe. Des tombes que les gens allaient visiter, et qu'ils faisaient le pawaf autour, et qu'ils sacrifiaient des animaux à ces tombes-là, hein. Et avec la da'wah qu'il a fait, et avec le temps, Alhamdulillah, tout ça, ça a été détruit. Quand ils sont rentrés dans le Baqir, le cimetière près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que c'était devenu comme une ville, tellement ils avaient construit des dômes et des constructions et des sanctuaires, toutes sortes de trucs au-dessus des tombes des hommes pieux. C'était devenu comme une ville, ils ont tout nivelé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commandé de faire selon la sunna. Ils sont rentrés là-bas, ils ont nivelé tout au niveau du sol. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Ali ibn Abi Talib à son époque pour faire ça. Donc, on voit que la même chose est arrivée. Et donc, le chef, il dit à son époque, le chef était répandu et les signes et les principes du tawhid avaient été cachés. Et les choses avaient été appelées par d'autres que leur réel nom. C'est-à-dire, les gens n'appelaient pas le shirk shirk, mais ils l'appelaient respect des hommes pieux, comme on avait dit tout à l'heure. Cheikh dit, na'am, inna allazi yu'zaru bil jahl, huwa allazi ma qamat alayhi al-hujja al-risaliyya. Bima'na annahu lam ya'rif anna allaha anzala kitaban, wa lam ya'rif anna allaha arsala rasulan. أما من عرف أن الله أنزل كتابه الفرقان على سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم ومثله معه ولكن جهل ما جاء في القرآن من الأمر بتوحيد الله والتحذير من الإشراك بالله وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته بسبب إعراضه فهذا لا يعذر بجهله والحجة هي الحجة الرسالية لأن الذي يعرض عن الرسالة والكتاب والسنة هو الذي ظلم نفسه ووقع في ضروب الشرك وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. Donc le Cheikh dit, oui, la personne qui est excusée pour son ignorance, c'est qui? C'est la personne qui n'a pas reçu, ou c'est la personne sur qui on n'a pas établi la preuve du message. La preuve du message n'a pas été établie sur lui. Celui-là, il est excusé d'être ignorant. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheikh, il dit, ça veut dire que celui-là, il n'a pas su qu'Allah a fait descendre un livre. Il ne sait pas qu'Allah a fait descendre une révélation. Un livre. Et il ne sait pas qu'Allah a envoyé un messager. Il ne sait pas qu'Allah a envoyé un messager. Mais, donc, celui-là, il a une excuse. Il ne sait pas qu'Allah peut descendre un livre, il ne sait pas qu'Allah a envoyé un messager. Celui-là, il est excusé pour son ignorance. Mais celui qui sait qu'Allah a fait descendre un livre, et celui qui sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, alors celui-là, il a ignoré les ordres du tawhid qui sont dans le Coran et les avertissements du shirk qui sont dans le Coran. Ils ont ignoré ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené de sa da'wah parce qu'ils se sont détournés de l'apprentissage de ces ordres-là, de ces commandements-là. Pas parce qu'ils savent pas que la révélation est là. Ils savent que la révélation est là. Ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais ils se sont détournés. Ils ont tourné le dos. Ils ont fermé les yeux. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils n'ont pas voulu comprendre cet ordre. Donc si tu vois des gens, par exemple, parmi les gens musulmans aujourd'hui, dans les pays musulmans, tu t'en vas les voir. Et tu les vois en train de faire des actes de shirk, faire de la magie, ou bien faire de la sorcellerie, ou bien aller voir des voyants, ou des gens qui prétendent connaître l'avenir, ou bien tu vas voir des gens qui vont sacrifier des animaux pour les tombes, et qui font le tawaf, et qui embrassent les tombes, et qui font l'istirata, ils invoquent autre qu'Allah, ou demandent l'aide des morts, des salihins, ça dit ça. Eh bien, quand tu leur parles et tu leur dis, qu'est-ce que vous faites, c'est shirk? Au contraire, au Coran et à la Sunna. Il y a les adillah, tu leur montres les preuves du Coran et de la Sunna. Une fois que tu leur as dit ça, ils le savent déjà, ils ont lu le Coran. Comment ils peuvent ignorer cet ordre-là alors que c'est le plus grand commandement dans le Coran? Hein? Donc, ça, ça prouve que ces gens-là, ils se détournent. Ils veulent pas savoir. Ils veulent pas connaître. Ils suivent leur passion. D'accord? Et c'est pour ça que le chef, il dit, ceux-là sont pas excusés pour leur ignorance. Parce que la preuve, elle a été établie contre eux. Et la preuve, c'est quoi? C'est le message. C'est le Coran. C'est la Sunna. Ok? Donc, celui qui se détourne du message du Coran et de la Sunna, il s'est fait de l'injustice à lui-même. Et il est tombé, à cause de ça, il est tombé dans des formes de shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 101 dans Surah Hud, on ne leur a pas fait d'injustice, mais c'est eux-mêmes qui se sont fait de l'injustice. Ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, à cause de leur, le fait qu'ils se sont détournés du message. Ensuite, Cheikh Mohamed Abdul Wahhab il dit, قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كافرين ففرق بين كفرين ففرق بين كفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح. Donc le cheikh il continue à expliquer dans sa réponse aux gens qui prétendent qu'il y a qui prétendent que les mushrikins au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait le shirk ou bien ont mécru parce que ils disaient que Allah subhanahu wa ta'ala ceux qu'ils adoraient c'était des enfants. C'était ses enfants. Par exemple, ils disent, ah, ceux-là, ils ont mécru parce qu'ils ont dit, comme les mouchriquins, notamment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kafarou, ils ont mécru parce qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Ou les chrétiens ont mécru parce qu'ils ont dit que Isa, c'est le fils d'Allah. Ils n'ont pas mécru parce qu'ils les ont invoqués. Ils ont mécru uniquement parce qu'ils ont prétendu que c'est leurs enfants. Hein? Et donc, ça, c'est parce qu'ils veulent essayer de faire une distinction. Ils veulent essayer de dire, même si tu invoques autre qu'Allah, ça c'est pas shirk, ça c'est pas kufr, c'est pas grave. Tu peux invoquer Isa, tu peux invoquer Maryam, tu peux invoquer n'importe qui, yani, en dehors d'Allah, c'est pas grave. Tu leur demandes du risque, tu leur demandes de te sauver, de te venir en aide quand t'as un malheur, ça c'est pour eux, ça c'est pas shirk. Qu'est-ce qui est shirk si tu dis, il est le fils d'Allah, ça c'est shirk, seulement. Hein? Donc le shirk il leur répond et il leur dit, les deux sont shirk. D'invoquer autre qu'Allah, c'est shirk. Et de croire qu'ils sont les fils d'Allah, c'est shirk séparé. Un autre shirk séparé. Il faut pas essayer de dire que un est shirk et l'autre c'est pas shirk. Hein? Et une fois j'étais sur Palpak, donc je suis rentré dans une salle une fois, ça fait assez longtemps, et il y avait des ahbash, vous connaissez la secte des ahbash, ils essayaient de faire le da'wah à une chrétienne ou un chrétien. Et de le faire amener à l'islam. Et là, j'ai parlé avec eux, j'ai dit, comment vous voulez appeler cette personne à l'islam, hein, alors que vous-même, vous faites le shirk, hein. Alors, ils m'ont dit, mais comment ça, nous, on fait pas le shirk? J'ai dit, mais Est-ce que c'est pas vrai que vous invoquez les awliya, soi-disant, et vous leur demandez de vous venir en aide et de vous secourir lorsque vous avez un malheur? Ils ont dit, oui, mais ça c'est permis. J'ai dit donc pour vous, quand vous avez le droit, selon vous, on a le droit d'invoquer Isa et Mariam. Ils ont dit, oui, c'est permis, on a le droit d'invoquer et de prier, demander quelque chose à Isa et à Mariam. Donc j'ai dit, ça veut dire, en réalité, vous n'avez rien compris à l'islam ni au tawhid. Comment vous pouvez prétendre ça? Dans ce cas-là, vous pouvez rentrer à l'église, prier avec les chrétiens, demander l'aide de Jésus et de Marie. Hein. Si ça, c'est pas shirk, alors qu'est-ce qui est shirk? Hein? Donc ça, c'est un exemple. Comment ils distinguent entre les deux? Si tu dis que c'est le fils, si tu dis Isa est le fils d'Allah, ça c'est shirk. Mais si tu dis pas qu'il est fils d'Allah, mais tu l'invoques, en dehors d'Allah, ça c'est pas shirk. C'est contradictoire. Et donc, c'est ça, donc. Et il y a beaucoup de koufars parmi les chrétiens, ils utilisent cette shubha pour convertir beaucoup de musulmans au christianisme. Parce qu'ils vont voir les musulmans qui se disent musulmans, qui font ces choses-là, qui vont au temple des awliya, soi-disant, et qui les invoquent, et qui disent, ya, c'est des foulas, arifna, ou bien, urzukna, ok, hein. Donc, ils vont voir ces gens-là, ils disent, écoutez, vous êtes musulman et vous cherchez l'aide de ce saint ou de cet homme qui est enterré, essayez avec Jésus, vous allez voir, il va répondre à vos demandes. Hein. Et donc au lieu de dire Sidi Abdul Qadir ou Sidi Ahmed Tijan, dites Sidi Isa et puis vous allez voir, ça marche. Hein. Et donc et là il commence à les amener dans le christianisme avec cette façon-là. Et ils disent, regardez, même dans le Coran, c'est écrit, Isa, il est là, et Mariam aussi, donc, vous n'allez pas changer quoi que ce soit, c'est la même chose que ce que vous faites. Au lieu d'invoquer ces saints-là, vous allez invoquer d'autres, parmi les prophètes, des choses comme ça. Donc, ils les amènent au shirk et au kufr, encore, plus encore, de cette façon-là. Et déjà qu'il y a plein de musulmans qui ont la notion que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars, ils disent ce sont des gens du livre, Ahlul Kitab, donc si ce sont Ahlul Kitab, ce ne sont pas des koufars, hein, donc ils s'imaginent que c'est pas des koufars à cause de ça, alors qu'en réalité, même s'ils sont des gens du livre, c'est vrai, ils sont des gens du livre, ils ont reçu un livre, ça ne veut pas dire qu'ils sont des mu'minines, ce sont des koufars. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à leur livre, mais ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont cru à leur livre et à leur prophète, mais ils n'ont pas cru au Coran. Et toute personne qui nie le Coran et qui nie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. Hein? Celui qui rejette un seul prophète parmi tous les prophètes, il n'est pas mu'min. Hein? Si quelqu'un dit je crois à tous les prophètes excepté Moussa, il est kafir. Si quelqu'un dit je crois à tous les prophètes excepté Suleyman, il est kafir. Donc celui qui dit je ne crois pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir, même s'il croit en tous les autres prophètes. Et celui qui dit je crois en tous les livres excepté le Coran, il est kafir. Donc comment quelqu'un peut dire Ahlul Kitab sont des mu'minines? Ils sont différents des autres koufars dans certains aspects, dans certaines règles, parce qu'ils sont plus proches des musulmans que les autres, parmi les hindous et les bouddhistes. Ils sont plus proches de nous, ça ne veut pas dire qu'ils sont des mu'minin. Et ça, beaucoup de gens, parfois, ils sont trompés à ce sujet-là. Donc, le cheikh, il a mentionné les preuves pour expliquer que les deux formes de kufr sont différentes. Le kufr de dire que Dieu a des enfants, ou un fils, ou une fille, et le kufr d'invoquer autre qu'Allah, les deux sont réfutés dans le Coran, et les deux sont mentionnés. Hein. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul huwa Allahu ahad » dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'unique, Allahu Samad. Hein? Et le cheikh il dit Al-Ahad, ça veut dire quoi? Celui qui n'a rien comme lui, rien qui lui ressemble. Et Al-Samad, c'est quoi? C'est celui vers qui les gens se retournent lorsqu'ils ont un besoin. Hein? Donc ça veut dire, comment ça se fait que tu crois que Allah est Al-Samad, et quand tu as un besoin, tu te tournes vers un wali, ou un sayyid, au lieu de te tourner vers Allah? Hein? C'est contradictoire. Tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala qui est As-Samad et tu te tournes vers une créature faible qui ne peut même pas s'aider elle-même. Donc ça c'est un exemple. Le cheikh dit Faman Jahada, Hada, celui qui nie ça, il a mécru. Celui qui nie que Allah subhanahu wa ta'ala est al-Samad, il est kafir même s'il croit à cette surah. Après il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Donc tu vois qu'il y a les deux mentionnés ici. Allah n'a pas pris, il ne s'est pas attribué pour lui-même de fils, et il n'y a pas avec lui d'autres ilahs, d'autres dieux qui sont adorés, ou rien qui mérite d'être adoré avec lui. Donc il y a les deux mentions ici, d'adorer autre avec Allah, et de dire qu'il a un fils. Les deux sont kufr, les deux sont shirk. فَفَرَّقَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ Allah subhanahu wa ta'ala l'a distingué entre ces deux formes de kufr-là. وَجَعَلَ كُلًا مِنْهُمَا كُفْرًا مُسْتَقِلًا Allah a fait que chacune de ces deux formes-là sont des formes de kufr indépendantes. Une est indépendante de l'autre, c'est deux formes de kufr différentes. Et il donne un autre exemple, dans le verset 5, dans Surat Al-An'am, ils ont donné à وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا الْجِنْ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ Ils ont donné à Allah des associés parmi les djinns. Alors que c'est Allah qui les a créés, c'est Allah qui a créé les djinns, et il leur donne, ils les mettent comme des partenaires avec Allah. Et après il dit, ils lui ont inventé à Allah subhanahu wa ta'ala des fils et des filles, par leur ignorance, à cause qu'ils n'ont pas de connaissances. Après le cheikh dit, فَفَرَّقَ بَيْنَ كُفْرَيْنِ Allah a distingué entre les deux formes de kufr. Le kufr de donner des associés avec Allah, et le kufr de lui attribuer des filles et des fils. Hein? Donc le cheikh il dit, et également il y a comme preuve de ça, le fait que ceux qui ont mécru en adorant Allah, alors que c'était un homme pieux, ils n'ont pas dit que Allah était un des fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un parmi les hommes qui était pieux, et ils ont fait de lui une idole, ils n'ont pas dit que c'est le fils d'Allah. Donc ça prouve qu'ils étaient kuffar par le simple fait qu'ils l'invoquaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas parce qu'ils ont dit qu'il était fils d'Allah. De même que ceux qui ont adoré les djinns, ils n'ont pas dit que les djinns sont les fils d'Allah. De même que il dit que les ulama des quatre mazahib, al-Maliki, al-Shafi'i, al-Hanbali, al-Hanafi, les quatre mazahib, si tu regardes dans les livres qu'ils ont écrits, dans le chapitre de Hukm al-Murtad, le verdict au sujet de l'apostat, celui qui a quitté la foi, vous voyez qu'ils disent que le musulman, s'il croit que Allah a un fils, il devient Murtad. C'est écrit dans les livres de fiqh. Alors, il y a une distinction, même les ulama des quatre mazahib, ils distinguent entre le fait d'attribuer à Allah un fils et le fait de l'invoquer en dehors. D'invoquer autre que lui, ou d'autres choses avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que ça, le chef dit ça, c'est très très clair. Après le chef, il dit, Alhamdulillahi, wa salatu wa salamu ala rasulillah, fala shakka anna al-nas fi kulli zamanin wa makan, yahtajuna ila talib ilmin, yafhamu al-aqidat al-islamiyya, يفهم العقيدة الإسلامية على الوجه الصحيح والذي يجلس لدى العلماء بحضور قلب وانتباه يفهم الكثير والكثير إن لم يفهم جميع ما يقال قال الشيخ رحمه الله في مناقشة شبهات أهل الشرك أهل الكفر والشرك الأكبر الذي ابتلي بهم في زمانه وهو يدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو أناسا أكثرهم كمن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك والكفر مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون إلى آخره غير أنهم جعلوا مع الله أندادا يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار وينزلون بهم حاجاتهم وينادونهم وهم رفاة ويطلبون منهم الغوث ويستشفعون بهم ليرفعوا لهم طلباتهم إلى الله عز وجل وينتظرونها وينتظرونها بواسطة هؤلاء الذين اعتقدوا بأنهم أولياء وبأنهم لهم جاه له ولهم قداسة عند الله إلى غير تلك العقائد الفاسدة. فها هنا أخبر المؤلف المجدد أن من أن من تلك الشبهات التي أوردها المشركون في عهده هي قولهم إن المشركين الذين بين كفرهم القرآن لم يكونوا كفارا بدعاء الأنبياء والملائكة، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وهم يعنون كفار قريش ومن ولاهم من الأحزاب ممن أشركوا بالله عز وجل وعبدوا أصنافا من المعبودات المتعددة، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد أخشابا وأشجارا وأحجارا منحوتة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. Donc ici le Cheikh dit Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Il n'y a pas de doute que les gens ont toujours besoin, à tous les endroits et à tous les époques, d'un étudiant de science qui leur fait comprendre la bonne croyance islamique de la façon correcte, qui s'assoit avec les ulama, avec une présence de cœur et avec une attention, et il comprend beaucoup de ce qu'il entend s'il ne comprend pas tout ce qui est dit. Après le Cheikh il dit, et le Cheikh rahimahullah, il parle du Cheikh Mohammed bin Wahhab ici, il a dans sa discussion au sujet des arguments, des faux arguments des mushrikines et des shubuhat, des gens du kufr et du shirk majeur, par lesquels les gens ont été testés par eux à son époque, il les appelle, le Cheikh les appelle par l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le Cheikh il dit, ويدعو ناسا أكثرهم كمن دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك والكفر. يعني la plupart d'entre eux, les gens que le Cheikh appelait, c'est des gens qui étaient dans le shirk et dans le kufr, malgré qu'ils disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils prient, ils jeûnent, ils font tous les actes obligatoires dans l'islam, le pèlerinage et toutes les autres obligations dans l'islam. Toutefois, ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, de qui ils espèrent. Ils espèrent que ces hommes-là ou ces femmes-là, les hommes pieux qui sont enterrés dans leur tombe, ils espèrent d'eux qu'ils éloignent d'eux le mal et qu'ils leur donnent du bien ou qu'ils leur amènent un bien quelconque. Et donc, ils leur envoient leurs demandes et leurs besoins, et ils les invoquent. Ils les appellent alors qu'ils sont en train de se décomposer dans leur tombe. Ces êtres-là, ils sont en poussière dans la tombe. Et eux, ils sont en train de leur vouer des appels et des invocations. Et ils leur demandent le secours et ils leur demandent l'intercession. Et ils essaient d'intercéder à Allah subhanahu wa ta'ala par ces êtres-là, pour qu'ils amènent à Allah subhanahu wa ta'ala leur demande. Parce que, comme on avait expliqué déjà dans d'autres cours, ils se disent, nous on n'est pas bons, on n'est pas des bons croyants, on a plein de péchés. Donc on a besoin des hommes pieux, eux Allah va les écouter, nous ils ne nous écoutent pas. Donc on a besoin de passer par ceux-là, et eux, ils vont demander à Dieu pour nous. C'est ça la base de leur shirk. Donc ils cherchent des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, il explique, il dit pourquoi, parce que ils ont, ces hommes-là, soi-disant, des statuts ou des positions très élevées auprès d'Allah, et ils sont respectés par les hommes, et donc ceux-là, ils peuvent nous aider auprès d'Allah. Et le Cheikh, il dit, ils ont plusieurs autres fausses croyances de ce genre. Et donc le Cheikh, il dit, le mu'allif, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce livre, à ce point-là, il répond à l'argument des mouchriquines qui ont dit que le kufr des gens qui ont mécru des mouchriquines à son époque, c'était pas parce qu'ils ont invoqué les prophètes ou les anges, mais ils ont uniquement mécru parce qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Hein, et ils parlent, quand ils disent ça, ils parlent des koufars de Quraysh et des gens qui étaient avec eux. Parmi ceux qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont adoré toutes sortes de différentes formes d'objets d'adoration, que ce soit des anges ou des hommes pieux ou autres, yani parmi les pièces de bois ou de pierre qu'ils ont sculptées. Et ce sont des choses qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne voient rien et qui ne peuvent rien faire pour eux. Malgré tout, ils vouent à ces choses-là des actes d'adoration. Donc le cheikh dit « فقال المشركون في عهد الشيخ إن أولئك الكفار الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالكفر ما قاتلهم وحكم عليهم بالكفر لأنهم يدعون الملائكة وإنما لأنهم قالوا الملائكة بنات الله وقص الله خبرهم في قوله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فذامهم الله وأنكر عليهم بقوله أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون لأنهم قالوا الملائكة بنات الله فقال الله عز وجل عن افترائهم هذا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا لما لأنهم قالوا الملائكة بنات الله فكأن الله عز وجل احتج إلى الصاحبة واحتج للولد واحتاج للولد بزعمهم وهم بهذه المقولة شابهوا اليهود والنصارى وشابهوا النصارى وشابهوا اليهود الذين قالوا عزير بن الله وشابهوا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله فالمشركون في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله ومن كان ومن على شاكلتهم اليوم في معظم ديار المسلمين يقولون إن أولئك لم يكفروا لأنهم كانوا يدعون الملائكة والصالحين والأنبياء ما كفروا بهذا لأن هذا يسمى توسلا واستشفاعا وهذا مباح لأنهم لجأوا إلى قوم طاهرين مقربين من الله عز وجل أحياء في قبورهم حياة كحياتنا هذه أو أكمل فلا غرابة أن يعيشوا أن يغيثوا من استغاث ويسمع نداء من ناداهم وهكذا يزعمون. Donc le cheikh il dit que les mouchriquins à l'époque du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, ils ont dit quoi? Ils ont dit que ceux-là, les koufars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus et qu'il a déclaré comme étant des koufars, il ne les a pas combattus et il ne les a pas déclarés koufars parce qu'ils invoquaient les anges. Uniquement parce qu'ils les combattaient, il les a déclarés koufars parce qu'ils disaient que les anges sont les filles d'Allah, comme on l'a expliqué. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le Coran, par exemple dans le verset 19 dans surat al-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ils ont fait des anges qui sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait de ces anges-là des femelles. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté ce qu'ils ont dit en disant, ashahidu khalqahum, est-ce qu'ils ont été témoins de leur création? Leur témoignage sera écrit et ils seront questionnés à ce sujet-là. لأنهم قالوا الملائكة بنات الله, parce qu'ils ont dit que les anges sont des filles d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de leur mensonge, à ce sujet de ce mensonge-là, dans le verset 158 dans surat As-Saffat, et ils ont fait entre Allah et entre les djinns femelles des liens de parenté. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait besoin d'une compagne, d'une compagne, et comme s'il avait besoin d'un fils, selon eux. Donc, par cette parole-là, ils ont ressemblé aux Juifs et ils ont ressemblé aux chrétiens. Ils ont ressemblé aux Juifs qui ont dit que Uzair est le fils d'Allah, et ils ont ressemblé aux chrétiens qui ont dit que le Messie, Al-Masih, est le fils d'Allah. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils sont kuffar. Et le cheikh il dit, mais les mouchriquins du temps du cheikh Mohammed Abdel Wahhab et ceux qui sont comme eux aujourd'hui dans la plupart des pays musulmans, ils disent que ceux-là ne sont pas des koufars parce qu'ils ont invoqué les anges ou appelé les anges ou les hommes pieux ou les prophètes. Il dit parce que ils n'ont pas mécru par ça, parce que ça c'est pas du shirk pour eux, ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent, ils disent ça c'est tawassul ou bien istishfar, c'est-à-dire de chercher un moyen ou bien une intercession pour rapprocher, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, donc au lieu de dire que c'est shirk, ils l'appellent par d'autres noms, tawassulan ou yani istishfar ou shafa'a, hein, talab al-shafa'a. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont boire de l'alcool et qui vont l'appeler par d'autres noms que, la, que, le, que son nom réel. Nas yashrabun al-khamr yusammunahu bighayr ismi. Donc, il y a des gens qui font ça avec l'alcool, il y a des gens qui font ça avec le shirk. Également, la même chose. Ils disent, on ne fait pas le shirk, on fait tawassul. On ne fait pas le shirk, on fait, hein, on demande le shafa'a et des choses de ce genre. Donc c'est la même chose, Yann. Et ils disent que ça c'est permis parce qu'ils se sont tournés vers des gens qui sont purs et qui sont proches d'Allah et qui sont vivants dans leur tombe comme ils étaient vivants, comme nous on est vivants actuellement dans cette vie, et même d'une vie encore plus parfaite que cette vie-là. Donc il n'est pas étonnant qu'ils viennent en secours de ceux qui leur demandent de l'aide et qu'ils entendent l'appel de ceux qui les invoquent. Le chef il dit voilà comment ces gens-là ont imaginé les choses. D'accord. Donc il reste encore un bon bout. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Peut-être alors on va lire encore un petit bout juste pour répondre à la shubha, puis après ça on va s'arrêter. Cheikh il dit wa al-haqiqa anna hadhihi shubha منتفية وباطلة، وذلك لأن دعاء غير الله تبارك وتعالى سواء من الملائكة أو الأنبياء أو من دون أو من دونهم أو من من دونهم دعاء عبادة أو دعاء مسألة شرك أكبر وكفر أكبر، وإن مات صاحبه عليه بعد أن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. والكافر من أصحاب النار، والدعاء بأن لله ولدا كما قالت اليهود والنصارى وكفار العرب ادعاء وارد وكفر مستقل غير الكفر بدعاء غير الله، لأنه تكذيب لقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا في سورة الجن، وفي قوله عز وجل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، ومن ينسب إليه الولد فقد نسب إليه الصاحبة أولا والولد ثانيا، والله عز وجل هو الغني عن كل ما سواه، كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Donc le cheikh il répond à cette shubha et il dit qu'en réalité cette shubha elle est fausse, elle est complètement niée du fait que d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit parmi les anges ou parmi les prophètes ou ceux qui sont sous ces gens-là, sous ces gens-là, que ce soit des hommes qui sont venus après les prophètes, que ce soit un dua d'adoration ou un dua de demande, et bien c'est un shirk majeur, un kufr majeur, et celui qui meurt sur ça, et bien si le message l'a atteint, il a reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il meurt dans cet état, eh bien, il meurt kafir. Et le kafir, il est dans le feu de l'enfer. Et tandis que celui qui prétend qu'Allah a un fils, comme les juifs et les chrétiens et les arabes, parmi les koufars des arabes avant l'islam, eh bien, ceux-là, ils ont fait un autre kufr également, qui est différent que le premier, différent que celui qui invoque autre qu'Allah. Et ça, c'est parce que le fait que celui qui dit qu'Allah a un fils ou une fille, il a démenti la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Al-Ikhlas, que dit, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, Allahu Samad, celui vers qui tout le monde se tourne pour leurs besoins. Il n'a pas engendré, il n'est pas engendré, c'est-à-dire il n'a pas d'enfant, il n'est pas d'enfant de quelqu'un, il n'a pas d'enfant, et il n'y a rien qui est comparable à lui. Et il dit également dans Surat Al-Jinn, il dit il n'a pas pris de compagne et il n'a pas pris d'enfant. Hein? Et ça c'est un bon point quand vous argumentez avec des chrétiens qui disent que Jésus est le fils de Dieu, vous leur demandez est-ce que Dieu avait une compagne pour faire un enfant. Et eux, ils ne disent pas. Donc ça, c'est un bon point pour dire ça. Et ils nient ça eux aussi. Donc c'est contradictoire de prétendre qu'il a un fils si on nie qu'il a une compagne. Parce que c'est quelque chose d'humain d'avoir des enfants et non, ou bien animal. C'est pas quelque chose qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-An'am, verset 101, que celui qui a créé les cieux et la terre, comment pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagne? Hein, ça c'est un autre exemple. Donc il y a beaucoup d'autres versets de ce genre qui montrent qu'il n'a aucun besoin de sa création. Il n'a besoin de rien parmi les choses qui composent sa création. Et celui qui a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala une compagne, hein, ou qui a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un fils, et bien premièrement il a attribué à Allah une compagne et deuxièmement il a attribué un fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ghani, hein, il est celui qui est riche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a besoin de rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne ni de rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous, vous les hommes, vous êtes les indigents, vous êtes les pauvres, ceux qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui, c'est le riche et le digne de louange, c'est lui qui n'a besoin de personne. S'il voulait, il vous ferait disparaître tous et il amènerait une nouvelle création. Et il yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Et ça, c'est pas quelque chose qui est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça samedi prochain, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.